La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir la revue à la télé? Oh ben, je veux voir qui est Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 22 avril 2018. Je vous propose ce soir une rencontre avec Anne-Marie Prou qui nous entraîne du côté de la photographie environnée de sonorités. Vous l'avez sans doute observé, l'art audio et la photographie partagent de nombreuses particularités. Ils font appel à des appareillages de captation. Photo et phono ont développé un vocabulaire comparable. S'inscrivent tous deux dans un processus cherchant parfois à faire plus vrai que vrai, même si les résultats finissent toujours ou presque par se retrouver dans la fiction, la représentation. Alors, hormis les cinéastes, ils sont nombreux, ces artistes qui combinent la photo et le son. C'est dans ce contexte que je vous propose ce soir une rencontre avec Anne-Marie Prou. C'est une artiste inspirée par les paysages, les transformations du territoire et qui amalgame dans ses univers photographiques des mots, des images de mots et des sonorités. J'ai eu la chance de recevoir Anne-Marie Prou il y a quelques semaines maintenant, autour d'une exposition qu'elle présente actuellement à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, une exposition dont l'originalité est de réunir des images, des mots et des voix issues du territoire et de la culture innue. Alors, l'exposition intitulée « Les falaises se rapprochent » est une aventure visuelle construite autour des voix de trois Innus de Pakwashipi, Tania Lalope et Nashwe, Mathias Marc et Mariette Mestanapeo. Les falaises se rapprochent, ben, c'est un projet qui nous dévoile le territoire, les sonorités de la langue, les lieux de la mémoire et de la culture actuelle du peuple Innu de la basse Côte-Nord. Alors, sans plus tarder, on écoute ensemble Anne-Marie Prou nous parler de la genèse et de la création de ce beau projet d'exposition intitulé « Les falaises se rapprochent ». Bien, en fait, dans les dernières années, je me suis intéressée beaucoup à la notion de territoire. Ça a pris forme de différentes façons, mais j'ai passé beaucoup de temps sur la Côte-Nord. J'étais intéressée par les territoires qui sont assez éloignés de nous en ville, parce que, comme Québécois, je trouve qu'on s'associe beaucoup à cette notion-là de territoire, de grand paysage, d'un pays vaste et tout ça. Mais en même temps, je constatais qu'on le connaît mal, notre territoire, puis je m'incluais là-dedans aussi. Mais je m'inclus encore là-dedans, dans une certaine mesure aussi. C'est un grand territoire qu'on connaît mal. Puis j'ai eu envie de, par la création, aller mieux le connaître. Puis j'ai passé les dernières années à travailler sur un corpus qui s'appelle « Bassin versant », où je me suis intéressée à la façon dont se représente le territoire, justement. Comment on fait une image du territoire. Puis ça m'a amenée à m'intéresser aux ressources naturelles, comment notre perception du territoire est aussi associée à comment on l'utilise, comment il devient un lieu de ressources pour nous. Puis ça m'a amenée à faire ce projet-là qui est sur l'exploration et la transformation du territoire. Donc, j'ai fait plusieurs séries, plusieurs œuvres photographiques où j'ai travaillé l'image de façon à ce qu'elle subisse des transformations, un peu comme le territoire en subit aussi. Puis, par différentes séries, par différentes images aussi, de complexifier notre regard qu'on a sur le territoire, de pas en faire une seule image, mais d'en faire plusieurs. Bien, ce travail-là, Bastien Versant, il m'a amené à m'intéresser à la culture des Innus parce que les ressources naturelles, l'exploitation des ressources naturelles, c'est quelque chose qui a beaucoup affecté les Innus parce que c'est leur territoire, c'est là où ils vivaient leur culture de nomades. Puis dans le fond, bien, si on s'intéresse comme artiste à la notion de territoire, puis qu'on aborde différents points de vue, ça devenait comme inévitable de m'intéresser à la culture des Innus, puis à intégrer ça dans le travail, puis à intégrer leur point de vue sur les territoires dans ce travail-là. Mais si je peux me permettre aussi de faire un lien entre Bassin Versant et les falaises se rapprochent, c'est qu'à l'intérieur de Bassin Versant, il y a une série qui s'appelle Voix du Nitassinan. Le Nitassinan, c'est le territoire des Innus, ça veut dire notre terre. Puis, c'est fait à partir d'un dictionnaire Innu-français. Donc, le dictionnaire Innu-français, quand on le consulte, on voit que les mots Innus, une fois traduits en français, deviennent des phrases. Puis ça m'a beaucoup intéressée parce que même si on connaît pas la langue, on peut consulter le dictionnaire puis apprendre la culture au travers des mots. Parfois, les mots deviennent quelque chose de très poétique ou des fois vont informer d'une façon de vivre sur le territoire. Puis c'est un travail que j'ai intégré par des extraits de ces traductions-là dans le corpus Bassin Versant. Puis éventuellement, en continuant ces recherches-là, en continuant à aller sur la Côte-Nord, j'ai eu envie de qu'on les entende, ces voix-là, qu'on les voit pas seulement dans un dictionnaire dans mon travail, mais qu'on puisse entendre la langue, qu'on puisse entendre ce que les gens veulent dire dans leur langue. Donc c'est ça qui m'a amené à faire des enregistrements sonores pour un projet que j'ai présenté dans le passé, Iminanu. Mais c'est ce qui va être présenté aussi dans les falaises se rapprochent. Ujumaju, Mr. Ujumaju ino tiwa. Mr. Ujumaju ino tiwa. Ça c'est petit, puis ça dit quelque chose. Atiwa, atiwa, atiwa. Les noms, ils considèrent une grande importance à caribou. Le caribou a son maître. Puis Inno, c'est comme son maître aussi, le caïbou, ou son, le maître. Caïbou, son maître, c'est comme son maître aussi. Parce que c'est grâce au caïbou que Inno a survécu longtemps. Mm. Tante un wanono chisu umuijum. Inno stauj maju tiwa tante un wanono chisu umuijum. Ça, parce que, comme je te dis, il venait beaucoup le caïbou. Parce que c'est de ça, sa vraie nourriture. Hein. C'est la nourriture, l'intérieur de ta nourriture. On dit ça, c'est son alimentation. Vraiment, comme on dit, au milieu, là. Ça nourrit la culture aussi. Ouais, c'est vrai. Les falaises se rapprochent, c'est en quelque sorte un synonyme de là où le fleuve se rétrécit, qu'on entend souvent comme étant la traduction de Québec. Donc, si le fleuve se rétrécit, c'est aussi que les falaises se rapprochent. C'est aussi une traduction du mot qui est utilisé par les Inuits pour nommer Québec, parce que Québec faisait partie du territoire traditionnel à l'époque. Puis, dans les falaises se rapprochent, il y a quatre voies qui sont placées aux quatre directions, donc l'est, le sud, l'ouest et le nord. C'est les voies de trois personnes, Mathias Marc, Tania Lalo-Penachoué et Mariette Mestenapeo, qui viennent de Pakwashipi, qui est une petite communauté de 300 personnes sur la basse côte nord. Ils sont sur les rives de la Pakwashipu, qui est la rivière peu profonde. Puis c'est la communauté Innu qui est le plus à l'est. Donc c'est une communauté qui est accessible seulement par bateau, par avion ou par skidou. C'est près de l'autre côté de la rivière, il y a le village de Saint-Augustin, qui est une communauté anglophone. Puis, si on continue un petit peu plus loin sur la basse côte nord, on arrive à Blanc-Sablon. Maka ne nako e no jitaji ne no neto no mia si oto mis e ne panto mis ku e pa ko ne mis ku ji man ji ta ma ma na te pesi pato je te ji ta na ma mo ne te ku e pina cha pato jo pi te na ni o pato je te tam ji ma te ते पण मैं को उदान मैं जीता मैंने ए पागु ने मिसकुच मग ना मिस्टेट से पण जे कोट काची पेटा जी ने नो न तोनु म आई नो का अ शक फॉर सोंट अले आ ला शस. Les hommes ramenaient beaucoup de choses. Le lendemain, ils travaillaient très fort, les femmes, pour nettoyer, garder. Mais En apprenant à connaître la culture des Innu, j'ai appris qu'il y avait la roue de médecine dans laquelle apparaissent l'est, le sud, l'ouest et le nord, qui sont associés à différentes façons de comprendre la vie, qui sont reliées à la spiritualité, qui sont reliées à des forces de la nature aussi. Donc, à l'est, on a le soleil qui se lève, donc ça signifie que c'est le commencement, c'est la naissance, donc l'enfance aussi, mais c'est le début du jour. Le sud est associé à la chaleur, aux émotions, au dialogue aussi. D'ailleurs, dans l'exposition, au sud, il y a une photo des courants d'une rivière qui rentrent dans l'eau du golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée, qui sont aussi des symboles de la rencontre du monde des Innus, qui est l'intérieur des terres, les rivières, puis l'eau salée qui représente l'arrivée des Européens, car les Européens sont arrivés par l'eau salée. Donc, c'est l'eau douce et l'eau salée, c'est la rencontre des cultures aussi. Bien, l'ouest, c'est là où le soleil se couche, donc c'est relié à la disparition, au deuil aussi. En lien avec l'enregistrement de Tania, c'est qu'elle nous parle de sa relation avec sa grand-mère qu'elle a perdue il y a quelques années, puis de tout l'enseignement qu'elle a eu de sa grand-mère. Mais c'est des souvenirs qu'elle a de la difficulté à tout se rappeler, donc c'est des choses qui lui reviennent par morceaux. Puis dans ce sens-là, bien, à l'ouest, ça prenait sens parce que c'est relié justement à ces choses-là qu'on a de la difficulté à reconnaître, mais qui sont là quand même. Quand on est monté dans le bois avec ma famille, là, quand j'ai vu l'endroit, j'ai déjà vu ça quelque part, mais je ne me rappelle pas où. Puis, quand je suis descendue, j'ai vu mes filles courir dans le bon sable. Puis, ma grande Léna est allée vers un peu plus loin, puis je suis allée la suivre. Puis, elle m'a dit, regarde, maman, il y a des graines rouges. Puis, quand j'ai vu l'endroit où est-ce qu'il y avait les graines rouges, là, je me rappelle. Je suis déjà allée avec ma grand-mère. Quand tu as ressenti ça, est-ce que tu as senti sa présence aussi? Je pense que oui, mais... Comment je pourrais dire ça? Disons qu'elle m'a légué tout ce qu'elle savait. Mais moi, il faudrait que je fouille beaucoup pour me rappeler de tout ça. J'ai dit que ma grand-mère était une femme importante dans ma vie, qu'on devrait prendre soin de nos aînés, comme les grands-pères et les grands-mères. Quand on est allé cueillir les chouquetés, tu m'avais dit que ça réveillait aussi des souvenirs, parce que tu faisais ça avec ta grand-mère aussi. Ouais. Parce que je sais pas c'est qui nous amenait, je me rappelle qu'on nous amenait souvent, puis on nous laissait là. Puis ils revenaient nous chercher avant qu'il fasse nuit. Mais c'était vous deux? Je pense que oui. Ok. Je m'appelais juste d'elle. Puis elle amenait tout le temps un anti-moustique. Elle amenait tout le temps ça. puis ouais. J'aime courir avec ça. Ouais. Tellement qu'il y avait beaucoup de mouches noires. Non, comme en tournant par Micho, il y a les trous, là. Non, mais ton comment tu t'en as autant. Titi, as-tu mourir? Oui, pas mais c'est pas dit, tu t'en as autant, ni voir comment nous. Il a de. Quand tu as ton gars, il faut pas si tôt, là. Oui, le Nord Tsiwetin, qui symbolise la connaissance, la sagesse, mais aussi l'enseignement aux prochaines générations, ou faire de l'espace pour les prochaines générations. On a la voix de Mariette, qui, elle, est une femme qui a vécu pendant plusieurs années la réalité où elle allait avec sa famille 3 mois à chaque automne à l'intérieur des terres, donc vivre les activités traditionnelles. Puis l'enregistrement, c'est Mariette qui raconte de ses souvenirs d'aller à l'intérieur des terres, puis qui parle de ce qu'elle a appris de ses parents, de ses grands-parents, puis des activités qui se passaient là-bas. Des fois, là, nos grands-parents, où est-ce que nous autres, les enfants, ils nous emmenaient toutes, ces petits-enfants, ils nous emmenaient toutes à aller voir les pièges. Mm-hmm. On partait comme dans l'après-midi, on arrivait peut-être dans la fin de l'après-midi. On est allé voir les pièges où ils mettaient mon grand-père aller. On avait comme fait le tour, le grand, c'était un grand lac. On avait fait le tour avec ma grand-mère. Nous a montré comment rapprocher une piège. Faut pas tu t'en vas brusquement ou directement au piège, faut que t'ailles aller voir doucement. Ça qui nous a montré. Dans le côté, Mon grand-père, lui, il avait joué le tambour. C'est déjà annoncé dans la journée qu'il va jouer son tambour ce soir. Lui, là, quand il jouait de son tambour, c'était pour avoir des nouvelles. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Quand il veut jouer le tambour, c'était pour avoir des nouvelles. Avoir des nouvelles de? Dans les animaux. Mm. Dans, à l'extérieur, peut-être à pas quoi. Et puis, nous autres, nos parents, ils nous faisaient dormir tôt. Ils ont éteint les chandelles qu'on puisse dormir tôt. Quand c'est éteint les chandelles, là, ils commencent à chanter mon grand-père le tambour. Je l'aimais quand je l'écoutais jouer au tambour. Puis, quand il a commencé à jouer au tambour, il n'a pas terminé les chansons. Mais moi, je m'endors tout de suite après. J'ai aimé beaucoup. Après avoir joué le tambour, quand c'est le lendemain, on dirait que c'est la joie, l'ambiance heureuse. C'est ce que je sentais. Plein de choses, j'aimais beaucoup, puis ça me rappelle souvent de ça quand... C'est des choses qui continuent à t'inspirer? Oui. C'est ça, il m'a inspiré beaucoup le Inuitun. Puis je viens de là, de que tu es Inu. Est-ce que tu as le sentiment que la langue, elle vient du Nutumit? Oui, parce que Nutumit, Alors, voilà ce qui complète la première demi-démission consacrée à l'exposition « Les falaises se rapprochent » d'Anne-Marie Proulx. On est de retour avec elle après un bref battement promotionnel. Particules sonores, fragments du bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. Vous voulez voir l'arrivée à la télé? Vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est la Croche-Oreille qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure avec l'artiste Anne-Marie Proux qui présente jusqu'au 20 mai prochain une exposition à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, une exposition qui s'intitule « Les falaises se rapprochent » et dont le pot s'articule autour de la langue, du territoire et de la culture innue. Je vous résume le communiqué qui accompagne l'exposition. Vous allez comprendre qu'il s'agit d'une installation sonore et photographique qui se déploie dans l'espace de la galerie en mettant en lumière la charge symbolique des points cardinaux dans la culture autochtone. Anne-Marie Proux associe en effet à chacun des points cardinaux, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, des enregistrements sonores issus de rencontres avec des membres de la communauté innue. Ils sont évoqués la mémoire, le territoire, le temps, tout cela accompagné de photographies évocatrices de l'environnement culturel et social de là-bas. Pour parler un peu d'Anne-Marie Proux, elle est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Concordia. Elle a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment à la Centrale, à la Fonderie Darling, chez Panache Art Actuel, Regard, Skoll et récemment à la Biennale Momenta de Montréal. Plusieurs de ses textes ont été publiés dans différentes publications et revues, dont Ciel Variable, Eastern Edge, S et j'en passe. Alors voilà, on poursuit notre rendez-vous de ce soir avec la suite de cet entretien que j'ai réalisé avec Anne-Marie Proux. Anne-Marie, on a entendu en première partie d'émission les voix de Tania et de Mariette qui incarnent les directions de l'Ouest et du Nord, inspirées de la roue de médecine. Et maintenant, tu nous entraînes du côté de l'Est et du Sud, n'est-ce pas? Oui, donc à l'Est, c'est Mamit. On entend la voix de Mathias. Mamit, c'est aussi le mot qui est utilisé pour parler des Innus de la région de Pacoachipi, d'où les trois viennent, parce que c'est la communauté qui est le plus à l'est des communautés Innus. Mathias, à l'est, Mathias parle, ben, il commence en disant « nous voulons continuer à vivre ». Donc, l'Est, c'est le début, mais aussi c'est la continuité de quelque chose d'autre. Donc, l'idée de la roue de médecine, c'est aussi l'idée du cercle. C'est quelque chose qui est toujours en continuité. Donc, nous voulons continuer à vivre, c'est le début de quelque chose, mais c'est aussi la continuation. Puis, dans cet enregistrement-là, Mathias parle de l'importance de continuer à avancer, autant comme personne que que son peuple aussi. Puis inspiré par ce qui lui est enseigné des aînés, mais aussi des ancêtres qui sont d'une certaine manière encore là, puis qui inspirent les actions des Innus aujourd'hui. Tante ehun tawe tonan num homenan ehun ho chendinan na inyu. Nous avons encore, nous voulons encore continuer à vivre, nous continuons à vivre. Nous avons encore la foi à nos grands-pères, nos ancêtres. Nous avons confiance à la vie. Nous avons encore confiance à la vie, c'est sûr. C'est ce que j'ai dit. Oh. Ça dit grand, par exemple. Mais c'est des mots qui veulent dire plusieurs choses. Oui, oh. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-tu triste, c'est-tu doux? Comment t'entends ça? Moi, je pense que c'est de l'espoir. Ouais? Peut-être plus que de l'espoir. Malgré les difficultés, ils ont tout le temps, comme les anciens ont fait, ils ont tout le temps essayé de continuer à vivre. C'est les anciens. Ils ont toujours cru même à leurs grands-parents, les ancêtres, leurs ancêtres. Ils ont toujours cru à la vie. Ils ont continué pareil. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. C'est comme ça que tu continues ce qui a été fait. Ah. En croyant à la vie. Ouais. C'est comme ça, moi je marche. Ça, la fin. C'est... Ça, c'est le, comme en France. C'est comme universel. Moi, c'est comme ça que je marche. C'est ça, ce qu'il dit. Gwendolyn et Hepmoutian, c'est comme ça la façon de. C'est comme ça que je marche. C'est comme ça que je marche. C'est ma façon de marcher dans la vie. Oui, ben le sud, c'est Aquanutin. C'est le sud, ça représente aussi le dialogue, la rencontre. Donc, aussi une forme de déplacement dans le cas des deux enregistrements de Mathias, parce que à l'est, il parle beaucoup de chez lui, de Pakwashipi, du territoire des Innus. Puis, quand sa voix arrive vers le sud, il continue à parler de chez lui, mais il commence aussi à parler de Québec. Donc, puis de deux lieux, celui où il va camper avec sa famille, avec les gens de sa communauté à Pakwashipi, puis Québec, puis la façon dont ces deux lieux-là sont reliés aussi. Ne Oui, je t'ai entendu parler du saumon, de la perdrix blanche, de l'ultimite, l'intérieur des terres. On voit, quand en l'été, là, le monde va beaucoup là-bas, 3 jours, camper. Wepega, c'est un lieu là, comme d'activité. Hein. Mm-hmm. Même le rassemblement ou le sweat-là, j'en ai vu avant. Puis aussi un lieu de pêche, saumon. Puis ils font les activités bannies sur le sable, puis ils mangent là, ils campent là, ils dorment là, 2, 3, 4 jours. Puis ça va en embarcation, à retour, ils vont là. Puis c'est une bonne place. Wepega, puis j'aime le mot Wepega. Puis en bas de ça, il y a l'île Chechachiu. Ça, c'est là, c'est une bonne place pour le perdrix blanche. Puis j'en vois là-bas. Mm-hmm. Puis oui, Pera en haut, la montagne, je l'ai monté une fois. Printemps, vraiment, on était trop personnes. Puis rendu au sommet, on voyait le large. On voyait l'intérieur de terre, là. C'était beau, c'était haut, puis c'était beau. Comme oui, Pera. Je l'ai dit comment je comprenais Wepega. Mm-hmm. C'est une rivière puis deux grosses montagnes. C'est pour ça qu'on appelle Wepega. Puis Webstruya, ce que je comprends, c'est quand je vois Webstruya, c'est une grande rivière. C'est très large. Après ça, il est très étroit. Après ça, rendu là, on voit montagne escarpée. Ça doit être pour ça qu'il appelait à Webstruya. Webstruya, c'est deux rives qui se rejoignent. Hein? Mm-hmm. Mm. Puis j'ai dit, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, il y avait des Inuits là-bas. De l'histoire orale? Ouais. On parlait aussi à Quebec. C'est débarqué. Mm-hmm. Mm. Puis appelé à Québec. Mm. Québec. Puis je parlais aussi à c'est Inou, il était là-bas. Là, après ça, au fur et à mesure, des maladies, puis aussi la grosse population qui est arrivée de France, puis ça a comme fait pousser les... Comment dire... Pas de place. Mm-hmm. Mm. Anne-Marie, à travers cet environnement de voix inoue, qu'est-ce que le spectateur, le visiteur va découvrir en visitant cette exposition? Tu l'amènes dans un univers de réflexion. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, ben en entrant dans la galerie, il y a déjà deux pièces de mobilier qui font partie de l'espace, qui sont au milieu de l'espace, sur lequel il y a des œuvres de Voix d'une Tassinane avec les extraits du dictionnaire inou-français. Et autour de ces mobiliers-là, ces œuvres-là, il va y avoir des photos sur les murs qui sont reliées aux quatre directions aussi, qui sont reliées à ce qu'on entend dans les enregistrements, qui sont en quelque sorte des interprétations poétiques de ce qu'on entend, puis de la façon dont on comprend aussi les directions puis leurs symboles. Un élément important de ce projet-là, ça a été de réfléchir à la circularité. C'est dans le sens où les voix, ils sont placés aux quatre directions de façon à ce qu'ils remplissent la galerie, mais de façon à ce que quelqu'un qui écoute l'ensemble de la piste sonore, il n'y a pas un début ou une fin à cette piste sonore-là. C'est vraiment quelque chose qui est pensé dans un cercle. Une voix vient après l'autre et l'autre vient après l'autre de façon à ce que ça soit un peu comme un cercle de paroles. Chacun parle à son tour. Maintenant que je suis une adulte, je me suis rendu compte que ma grand-mère m'a montré de belles choses. Quand tu parles de la bannique, ça me rappelle quelque chose que tu m'avais dit aussi, que quand t'entends le son du couteau qui gratte la bannique, ça te fait penser à elle aussi. Oui. Des fois, c'est des tout petits détails. Hein, qui... Quand on est allé cueillir des chicoutés, ça m'avait touché beaucoup que tu parles du souvenir de ta grand-mère. Parce que, tu sais, on a des vies qui sont différentes, on a des cultures qui sont différentes. Mais moi, un de mes souvenirs que j'ai avec ma grand-mère, c'est de la cueillette de petits fruits aussi. Puis je me rappelle quand on allait cueillir des bleuets sur le chemin qui menait vers mon chalet. Le chalet de mon grand-père. Puis je me rappelle être allée cueillir des bleuets avec elle. Puis à chaque année qu'on retournait au chalet, après qu'elle soit décédée, les bleuets étaient plus là. C'est comme si... Tu sais, les bleuets ont arrêté de pousser à l'endroit où on avait cueilli ensemble. Puis, c'était difficile parce que le fait que les bleuets soient plus là, c'était presque comme si la cueillette que j'avais faite avec elle était pas vraie, tu sais. Comme si je l'avais rêvé. Je pense qu'elle les a apportés avec elle. Les bleuets? Ils disent que les aînés apportent autant ce qu'ils aimaient le plus. Ah ouais? Ouais. Puis nous autres, là, ils disent que... À chaque fois qu'il y a des funérailles, là, des aînés surtout, ils disent que les aînés amènent tout le temps un enfant avec eux. Mais moi, je pense que c'est vrai. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais... Peut-être pour nous... Pour nous faire rêver qu'il faut qu'on prenne soin de nos enfants, ou je sais pas. C'est quoi... Pour nous rappeler la valeur de la vie. Tu nous présentes, Anne-Marie, un projet artistique qui est très poétique à plusieurs égards. Si on pense, entre autres, aux sonorités de la langue inoue, aux photographies du territoire. Mais il y a aussi un contenu qu'on pourrait qualifier de très empirique, avec cette idée de laisser une trace, de documenter aussi la réalité. Qu'est-ce que t'en dis de cet aspect documentaire de ton projet? Mais je pense que dans mon travail, il y a toujours un lien avec le réel, que j'appellerais pas nécessairement documentaire, parce que l'idée, c'est pas de faire un document de ce dont mes œuvres vont parler. C'est pas de faire une étude non plus, c'est d'offrir des images poétiques reliées à des sujets qui m'intéressent. Dans le cas de « Les falaises se rapprochent », c'est sûr que quand on entend Mathias, Tania, Mariette parler, il y a quelque chose qui peut être près du document parce qu'on a le document d'une parole, on a accès à leur vision de leur culture, mais les enregistrements n'ont pas été faits de façon à avoir... un témoignage exhaustif. C'était vraiment très libre. Ils ont parlé de ce qu'ils avaient envie de parler. Il n'y avait pas d'orientation précise là, sur ce qu'ils devaient dire. Puis je pense que ça les a amenés à parler de ce qui était important pour eux. Puis moi, c'est par la suite, avec ce que j'avais accumulé comme enregistrement sonore, que j'ai relié leurs paroles avec la façon dont je comprends les directions, puis les significations, puis le rapport à la spiritualité de leur culture. Aussi, le fait que ce soit des conversations, pour moi, ce travail-là, c'est plus le document d'une conversation que le document d'une culture. C'est une intention de dialogue, puis de se connaître entre personnes qui sont de différentes cultures. Anne-Marie, une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a le plus enthousiasmé dans ce travail artistique avec des gens d'une autre culture, issus d'une culture des premiers peuples? Je pense que dans ma pratique jusqu'à présent, je jouais beaucoup un rôle d'observatrice. J'ai fait des projets où je me sentais plus spectatrice de quelque chose, comme j'ai fait des projets aux Îles-de-la-Madeleine où j'ai observé le paysage, j'ai fait des liens avec des choses que j'entendais, mais j'ai pas utilisé ma pratique comme une façon d'entrer en relation. Puis ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans ce nouveau projet-là, c'est que j'ai vu ma pratique, j'ai vu l'art comme une façon d'entrer en relation. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, je pense, dans le processus. Mais on pense souvent à l'artiste comme quelqu'un qui produit quelque chose. Puis moi, je vois l'artiste comme un être social avant tout. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que ce projet-là a pris forme. C'est que, à la base, aller à Pakwashipi, entrer en relation avec ces personnes-là, c'était pas nécessairement un projet artistique, c'était une intention à la base de dialogue. Puis c'est devenu un projet artistique parce que ma façon de réfléchir, ma façon de faire sens de ce dont je fais l'expérience, c'est de passer par l'art. Eh bien, Anne-Marie Proulx, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien fort stimulant à propos de cette exposition présentée, je le rappelle, à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 20 mai prochain. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir sur des sonorités de l'artiste D-Man. C'est tiré d'une pièce intitulée « Spirits Watching Humans Walking in the Forest ». C'est une pièce qui a ponctué ce soir notre entretien avec Anne-Marie Proulx. Cela dit, je vous invite à joindre la croche-oreille.wordpress.com sur le web afin d'écouter les émissions en balado et prendre connaissance des pièces proposé. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, pour une autre aventure sonore de la croche-oreille. Et d'ici là, eh bien, soyez attentifs au son autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.